Vous écoutez? La croche-oreille. Salut tout le monde, bienvenue à La Croche-Oreille, une aventure sonore à l'antenne de CKRL 89.1, la radio qu'on trouve aussi à ckrl.qc.ca sur la toile. Gaëtan Gosselin avec vous jusqu'à 22h. Bon, La Croche-Oreille, c'est une émission qui se passionne pour les arts sonores, les musiques inclassables et pour les artistes aussi qui s'y adonnent. Ce soir, je vous propose en reprise un entretien avec Bernard Falaise, un compositeur, improvisateur qui explore depuis plusieurs années maintenant le potentiel sonore de la guitare électrique. Bon, explorer le potentiel de la guitare pour Bernard Falaise, c'est prolonger, exploiter, transformer, détourner les sonorités habituelles de l'instrument à partir parfois d'instrumentation électronique. Bon, on pense aux pédales d'effet notamment, mais aussi à partir d'objets de toute nature qu'il insère entre les cordes, des ustensiles de cuisine, des morceaux de bois, des archets patentés. En somme, tout ce qui favorise, selon Bernard Falaise, l'émergence de l'accident sonore, de l'inattendu susceptible d'ouvrir, ici et maintenant, une piste de création, une idée de composition, la source, de conclure Bernard, de toute démarche d'improvisation. Alors ça, c'est vraiment intéressant que cette idée de l'inattendu dans le travail d'improvisation. Il va sans dire que Bernard Falaise est un créateur important de la scène québécoise des arts sonores et des musiques nouvelles du Québec, en plus d'avoir réalisé plusieurs projets solos, dont ce tout dernier intitulé « Go Solo », dont on va parler ce soir. Bernard joue de la guitare et improvise au sein de nombreuses formations. Bon, j'en nomme quelques-unes, Klaxon Gueule, Quartetski, l'ensemble Super Musique. Il a aussi œuvré auprès de nombreux artistes tels que Tania Tagac, Jean de Rome, Martin Tétrault, Dekim, Jean-François Laporte et bon, j'en passe plusieurs évidemment. J'ai rencontré Bernard Falaise à Montréal, on est en 2021, suite à la sortie de son dernier album intitulé Go Solo, toile de fond d'une conversation fort sympathique sur les tenants, les aboutissants de la création sonore et musicale actuelle. Alors, parole à l'artiste Bernard Falaise, entouré de quelques-unes de ses nombreuses créations à la guitare électrique. Alors, on écoute ça. Thank you. Bernard Falaise, bienvenue à l'émission. Très heureux de te rencontrer. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Bernard, on se rencontre à la Maison de la culture Mercier. Vous présentez un spectacle, ça s'intitule « Musique de salon ». J'aimerais ça que tu me parles un peu de cette idée de musique de salon. C'est un projet de mon ami Pierre Labbé, avec qui je joue depuis vraiment super longtemps dans ses projets à lui. Il était aussi dans... Il y a un petit bout dans Myriade d'or, dans Papa Boa, dans plein de projets. C'est un projet qui a été conçu pré-COVID puis qui a été très dur à appliquer en temps de pandémie. Là, mais c'est des musiciens qui sont très espacés les uns des autres, puis le public est assis parmi les musiciens. Puis on les fait changer de place plusieurs fois pendant le spectacle de manière qu'il y ait une balance différente, puis qu'il y ait une vision aussi différente des choses, comme un mix différent. Là. Puis Pierre explique aussi beaucoup ce qu'on fait, donc c'est comme une espèce de d'introduction à la musique. C'est pas si improvisé que ça, donc pas à la musique improvisée, mais à la musique actuelle. Aux nouvelles formes de musique. Bernard, ma question est un peu simple, puis parfois ça implique tout un développement, mais comment la musique arrive dans ta vie? La musique, j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. En fait, mon père était altiste amateur, puis il faisait du quatuor à cordes à la maison avec des amis. Il se produisait un petit peu, mais pas des gros concerts, là, juste des petits concerts. Mais essentiellement, il faisait de la lecture à vue en buvant du vin, puis il avait bien du fun. Fait qu'il y a toujours eu de la musique chez moi, puis à l'âge de 6 ans, il m'a inscrit à des cours de violon. J'ai adoré ça, j'aimais vraiment ça. Donc, j'ai continué à prendre des cours jusqu'à l'âge de 14 ans, où l'attrait de la guitare électrique était plus fort que celui du violon, pour toutes sortes de raisons. Fait que j'ai shifté à la guitare, puis ensuite, ça a poursuivi, ça a continué comme ça. Tu as fait des études en guitare en tant que telle? Ou... Oui, je suis allé au cégep en guitare jazz. Après ça, j'ai arrêté l'école un bout de temps. Je suis allé faire un groupe de rock, de composition, qui s'appelait Sleeping Signature. C'est dans les années 80. On jouait comme au foufoune électrique, tout ça. Puis ensuite, je suis retourné à l'université, mais pas en guitare, en technique d'écriture, qui est comme un cours de composition, mais plus technique, là, contrepoint, harmonie, etc., à l'Université de Montréal. Bernard, pour se mettre dans l'ambiance là, de ta création musicale, sonore, on va écouter une pièce tirée de ton premier album. Il s'intitule « Do ». On parle de la note « Do », j'imagine. Seulement, il y avait aussi « Do » comme « Do it ». Fait que c'est mon premier disque solo, c'était comme « Fais-le », ton disque. Là. Oui, alors on va écouter une pièce qui s'appelle « Colon » ou « Colonne » on poursuit notre conversation. Thank you. Bernard, tu es guitariste, tu travailles depuis plusieurs années avec la guitare préparée. Il y a tout ce travail d'expérimentation et ça a été quoi? Ça a été comment le moment d'éveil à l'expérimentation sur le plan musical? Comment ça a surgi, cette idée de pas faire dans la tradition? Ça a toujours été là, je pense. Mais en fait, la guitare électrique, une des choses qui m'a attiré dès le départ, c'est que chaque guitariste sonne différent, en fait, comparativement au violon que je jouais précédemment. Bien, tu as comme une espèce d'idéal à atteindre. Là. C'est comme le... En tout cas, il n'y a pas tant de différence entre un violoniste classique à l'autre. Hein. C'est plutôt uniforme, tandis que d'un guitariste à l'autre, en guitare électrique, chacun développe son son. C'est comme presque des instruments différents. Là, entre Jimi Hendrix et Robert Fripp, c'est deux univers complètement différents. Pourtant, c'est le même instrument. Puis, à partir de cette idée-là, j'ai beaucoup joué avec les pédales d'effet puis d'expérimenter le son. Puis à un moment donné, j'ai vu Fred Frith en show. Puis lui m'a rentré dedans là, avec ses fourchettes, puis ses ficelles, puis tout le kit. Puis j'ai vu René Lucier pas longtemps après, en duo avec Jean Derome, les granules. Fait que ça n'a pas été long que je me suis mis à mettre des objets dans mes cordes, moi aussi. Puis bon, c'est sûr que j'avais conscience du piano préparé, là, les pièces de Cage, tout ça. À guitare, c'était pas si clair que j'avais pas pensé que ça se pouvait aussi bien que ça. Puis c'est des heures et des heures de plaisir. En fait, tu peux jouer avec ça comme... C'est un jeu. Tout à fait. Écoute, on va poursuivre dans l'écoute des travaux que tu fais depuis, 25 ans maintenant. Une pièce tirée de l'album Click, un album d'ailleurs qui remporte le prix Opus. On est en 2007. Alors, une pièce qui s'intitule Neuf. On écoute ça. Bernard, tu as parlé de Fred Fritz, lui aussi guitariste, je pense. Outre Fred Fritz, là, tes sources d'inspiration, qu'est-ce qui t'anime, qu'est-ce qui t'alimente sur le plan artistique, bon, sur le plan musical, mais sur le plan artistique en général? C'est très varié. C'est pas que des musiciens, de un. Bon, il y a des guitaristes, oui, mais beaucoup des compositeurs, que ce soit en musique contemporaine, en jazz, j'écoute vraiment toutes sortes de musiques. Les arts visuels aussi, je dessine, puis ben, bon, je sais, j'ai pas une carrière en arts visuels, mais je bisoune avec des arts visuels beaucoup, puis j'aime ça. C'est quelque chose qui a toujours été un peu complémentaire. Et aussi à la littérature. Puis j'ai été très influencé par Lou Lipo, notamment Pérec, mais d'autres aussi. Mais c'est comme le système de contraintes m'intéresse beaucoup, puis moi, me stimule beaucoup pour composer. Fait que parce que des fois, j'ai l'impression que je pourrais tellement m'éparpiller, que faire tellement de choses, tout est possible, dans le fond. Donc, les systèmes de contraintes, oulipiens fonctionnent assez bien pour la composition musicale. Comme chacun de mes disques solo, comme Do, c'est que des guitares. Tous les sons sont produits par la guitare. Click, c'était toujours avec des métronomes et des click-tracks, mais qui peuvent changer de vitesse. Il y en a plusieurs superposés à des vitesses différentes. S'enfouir, par exemple, c'est 5 pièces qui sont répétées plusieurs fois, mais à chaque fois, ils sont dégradés, usés. Ils deviennent de plus en plus traités, de plus en plus méconnaissables. Ils ont tous comme ça des sujets. Là, Cet album « S'enfouir », tu l'as produit en 2012, il y a déjà plus d'une dizaine d'années. C'est un album magnifique. On va écouter un extrait de cet album « S'enfouir ». Thank you. Eh bien voilà ce qui complète la première demi de ma conversation avec l'artiste sonore, compositeur et improvisateur Bernard Falaise. Restez des nôtres, je suis de retour après un très bref battement promo. À tout de suite. Vous écoutez CKRL. Vous écoutez La Croche-Oreille. On est de retour, c'est la Croche-Oreille jusqu'à 22h depuis les studios de CKRL, le 89.1 à Québec. Je vous rappelle que vous retrouverez le titre des pièces entendues ce soir sur le site La Croche-Oreille ainsi que les émissions précédentes qui sont archivées pour la plupart. Au programme de ce soir, un entretien avec Bernard Falaise, guitariste, compositeur, performeur dont le travail se distingue particulièrement par l'usage et l'exploration qu'il fait de la guitare électrique préparée. Gagnant d'un prix Opus il y a quelques années, Bernard Falaise a réalisé plusieurs albums solo et contribué à l'univers musical d'une multitude d'ensembles à titre de compositeur et d'instrumentiste. Allergique, dit-on, aux étiquettes, Bernard explore avec le même entrain le rock acidulé, le tango industriel ou la valse syrielle en utilisant aussi bien l'écriture traditionnelle que les technologies numériques. Il a réalisé près de 30 bandes sonores pour le théâtre, la danse, le cinéma et la télé. Il a composé des pièces pour de nombreux ensembles de musique, de chambre, travaille aussi fréquemment comme arrangeur, mixeur, réalisateur. directeur musical et accompagnateur. Je l'ai entendu d'ailleurs très récemment dans le cadre d'un très beau spectacle présenté à Victoriaville dans le cadre du Festival international de musique actuelle. Bernard lançait au moment de notre rencontre un album intitulé Go Solo, une synthèse raisonnée d'improvisation dont il nous parle ce soir avec pas mal d'enthousiasme. Alors, allons-y pour la suite de cet entretien avec Bernard Vallès. Bernard, évidemment qu'on aborde ton dernier projet qui s'intitule Go Solo.

Bernard Falaise, 25 ans de travail, en tout cas, grosso modo, on peut parler de 25 ans de travail artistique, d'exploration. Qu'est-ce qui a changé dans ta production et puis dans la musique ou dans les arts sonores en général depuis 25 ans. Quand tu jettes un regard sur les dernières années, qu'est-ce qui te saute aux yeux ou encore aux oreilles? Bien, c'est beaucoup de choses. Le milieu a tellement changé. Il y a beaucoup de choses qui ont tombé. T'sais. C'est comme, dans le fond, moi, quand je me suis mis à faire de la musique, ce qui m'intéressait le plus, c'est de faire des disques. Là, le disque, c'est pratiquement terminé, les disques. Puis les gens, il y a beaucoup de gens, en tout cas, qui écoutent que des affaires en streaming, puis qui, comme une playlist sans fin, puis qui écoutent, ça soit jamais pour écouter un album de A à Z, alors que c'est la raison pour laquelle j'ai commencé à faire de la musique. Ça peut être désespérant facilement, là, comme état de fait. Puis c'est plus difficile, je pense, pour les musiques actuelles. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup plus facile de produire que c'était. Ça coûtait extrêmement cher aller en studio, c'était compliqué. Faire un disque, ça coûtait une beurrée. Tandis que maintenant, qui que ce soit qui a envie peut facilement produire l'équivalent d'un disque puis le mettre, le faire circuler, ce qui est une bonne chose à mon avis. Mais ouais, le milieu a complètement changé. Tout a changé. Toute la donne a changé. Mais bon, on fait avec. Je veux dire, que les disques se vendent ou pas, je continue à faire ça parce que c'est ça qui me tient allumé. Moi, c'est comme... Bernard, pour clore notre conversation, qu'est-ce qui s'amène pour toi dans les prochaines semaines, prochains mois sur le plan ou bien de la création ou bien de la diffusion? J'ai pas mal d'affaires en même temps, comme d'habitude. Qu'est-ce que je fais en ce moment? Je suis en train de mixer puis de travailler sur un projet avec Michel Faubert, le conteur et chanteur traditionnel. Un projet qui s'appelle Chapelle Ardente, qui est un beau projet de rock assez gothique. C'est vraiment le fun. Ça a joué un petit peu. Là, on a fait l'enregistrement. Je suis en train de mixer ça. Ça va tourner. Sinon, je travaille sur la création d'une musique pour un show de Bouge de là, qui est une troupe de danse jeune public. Je pense que c'est le sixième show que je fais avec eux. C'est vraiment... ça fait longtemps que je travaille avec eux. C'est super passionnant. Puis j'ai une grande liberté là-dedans. Puis les jeunes sont capables d'apprécier des musiques complètement capotées. Il n'y a aucun problème. Fait que je me paye la traite là-dedans. C'est vraiment le fun. Sinon, au théâtre, bientôt, il y a un gros projet avec Brigitte Hennequin et Sibylline. C'est un cycle de 5 pièces de Shakespeare. Toutes les pièces de Shakespeare qui se passent dans la Rome antique. En fait, ça fait un gros show de 5-6 heures avec un band live. Je suis chef de ce band-là. Quoi d'autre? Des mix. Le disque de Myriad d'Or qui sort, le 10e disque de Myriad d'Or. On vient de finir de le mixer, puis ça va sortir cet automne. Puis il va falloir que je commence à penser à un 6e disque solo. Là. Il me reste 4 ans pour le faire. Oui, tout à fait. Bernard Falaise, grand merci de m'avoir accordé cette rencontre aujourd'hui. C'était très agréable. Ça fait plaisir, vraiment. Merci. À la prochaine. Voilà ce qui complète l'émission pour ce soir en compagnie de l'artiste sonore, musicien, guitariste Bernard Falaise. Grand merci à Bernard de nous avoir permis l'écoute de ses œuvres, des œuvres que vous retrouverez facilement sur la plateforme Ambiance Magnétique et Bandcamp. Sur ce, je vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre aventure sonore au microphone depuis les studios de CKRL dans Limoilou à Québec. C'est Gaëtan Gosselin qui vous salue.